19-12. Observation. Le temps qui passe. L'heure, la demi et le quart. Midi. 12h. Midi et quart. 12h15. Midi 20. 12h20. Midi et demi. 12h30. 1h-20. 12h40. 1h-15. 12h45. 1h-5. 12h55. 1h. 13h. 6h. 18h. Minuit 1. 0h1. Notez que la colonne 1 représente le langage courant, familier. La colonne 2 représente un langage plus précis, comme celui des horaires de train ou d'avion.